Nous sommes obligés d'aller les voir de temps à autre. Madame Louvier a un peu pris la place de ma mère. Elle me dit de me marier. Elle me dit de ne pas trop dépenser. Elle croit bien faire. Elle agace Marie-Claire. Elle lui dit de ne pas trop mettre de rouge à lèvres. Elle lui dit de ne pas rentrer trop tard le soir. Marie-Claire n'ose pas répondre. Marie-Claire n'aime guère les invitations de Madame Louvier. Quand nous allons chez les Louvier, Monsieur Louvier ne parle presque pas. Sa femme lui pose des questions sans arrêt. Souvent, il ne répond pas. Sa femme l'agace, lui aussi, je crois. Georges, leur fils, parle sans arrêt de son travail à l'hôtel. Son père se fâche et lui dit de changer de métier. Alors, Georges se fâche, lui aussi. Une soirée chez les Louviers n'est pas une soirée particulièrement reposante.